pris tout ce que j'aimais. Elle est folle, elle est tout ce que j'ai. Oh, elle m'a donné, puis pardonné. Elle est partout et se fout de nous. Oh, je suis son souffre-douleur, son petit, son grand, son amant. Un drôle de truc bien vivant, qui bouge, qui parle et qui pleure. Un bout de chair seulement, quelques milliards d'exemplaires. Quelques milliards d'exemplaires. J'ai pas tout compris, mais bon, c'est ma vie. Je suis sûr qu'elle a envie d'emmener moi d'ici. J'en fais pas, j'irai pas, de toute façon je la connais pas. J'ai pas le temps de jouer à ça, je comprends pas. Elle m'a dit qu'elle m'adorait. Elle m'a dit qu'elle voulait me tuer. Oh, elle me cherche, elle est folle alliée. Elle me veut mais elle m'a pas trouvé. Oh, je suis son porte-bonheur, son jouet, son truc, son aimant. Un corps à prendre certainement, des millions de battements de cœur. Une marionnette pour lui plaire, quelques milliards d'exemplaires. Quelques milliards d'exemplaires. Elle m'a pris tout ce que j'aimais. Elle est folle, elle est tout ce que j'ai. Oh, elle m'a donné, puis pardonné. Elle est partout et se fout de nous. Oh,